Il dit résolument, non, j'aime bien que vous me fassiez un prix, là, un prix jusqu'au bout. Je courrons la chance de partir d'autre. Le médecin dit qu'elle passera tantôt. Si ça se fait, tant mieux pour vous, tant pis pour moi. Mais si elle tient jusqu'à demain ou plus longtemps, tant mieux pour moi, tant pis pour vous. La garde, surprise, regardait l'homme. Elle n'avait jamais traité un trépas à forfait. Elle hésitait, tentait de parler d'une chance à courir. Puis, elle le soupçonna qu'on voulait la jouer. Je peux rien dire. Tant que j'aurai point vu votre mets, répondit-elle. Venez-y laver. Elle essuya ses mains et le suivit aussitôt. En route, ils ne parlèrent point. Elle allait d'un pas pressé, tandis qu'il allongeait ses grandes jambes comme s'il devait, à chaque pas, traverser un ruisseau. Les vaches, couchées dans les champs, accablées par la chaleur, levaient lourdement la tête et poussaient, un faible beuglement, vers ces deux gens qui passaient, pour leur demander de l'herbe fraîche. En approchant de sa maison, Honoré Bontemps murmura. Si c'était fini tout de même. Et le désir inconscient qu'il en avait se manifesta dans le son de sa voix. Mais la vieille n'était point morte. Elle demeurait sur le dos, en son grabat, les mains sur la couverture d'indienne violette, des mains affreusement maigres, nouées, pareilles à des bêtes étranges, à des crabes, et fermées par les rhumatismes, les fatigues, les besognes presque séculaires qu'elle avait accomplies. La râpée s'approcha du lit et considéra la mourante. Elle lui tâta le pouls, lui palpa la poitrine, l'écouta respirer, la questionna pour l'entendre parler. Puis, l'ayant encore longtemps contemplée, elle sortit, suivie d'Honoré. Son opinion était assise. La vieille n'irait pas à la nuit. Il demanda. Eh ben? La garde répondit. Eh ben, ça durera 2 jours, peut-être 3. Vous me donnerez 6 francs, tout compris. Il s'écria. 6 francs? 6 francs? Avez-vous perdu le sens? Mais je vous dis qu'il y en a pour 5 ou 6 heures, pas plus. Et discutèrent longtemps, acharnés tous deux. Comme la garde allait se retirer, comme le temps passait, comme son blé ne se rentrait pas seul, à la fin, il consentit. Eh ben, c'est dit, 6 francs, tout compris, jusqu'à la levée du corps. C'est dit, 6 francs. Il s'en alla à longs pas, vers son blé couché sur le sol, sous le lourd soleil qui mûrit les moissons.